Rien que sa mitraille, ton rôle est en deuil. Trop d'amitraille dans ma vie, on m'a jeté dans deuil. Danseur de la poisse, j'ai posté sur la place. Ma team est nourrie à base de rimes basse matine. Ce soir ta meuf est pas là, je l'invite à dîner. Mon disque d'or car je fais trop de grasse matinée. On est trop cru nous, pas là pour crâner. On baisse le créneau avec une touffe au crâne rasé. Je te zigouille net, défoncé ou net. Si t'aimes pas long beat, juste ma zigounette. À la rage, l'enculé de sa race. Même au milieu du Sahara, y'a du sky dans la carafe. Y'a de la rime bien raffinée. Foutez le bordel quand ça filme. Donnez au boulot de la paraffine. C'est pour mes qu'un fris chinois et calaï. Je veux peser, mais comme Gabi, je vois du cocalaï. On viscère les rimes et les bolos. Long bitch en assos, toujours OP, même en solo. MC, arrêtez vos sottises. On est venu défoncer le rap, à jeun ou sous 10. Criminel au mic, on laisse le rap dans le coma. C'est pour les homies connards qu'on conne ça. Qu'on conne ça. Qu'on me regarde dans les yeux quand on me parle. Jamais je ne m'égare, demande à mes gars. Moi j'aime pas les stars, encore moins les gars. Dans ma tête y'a que des Tex-Mex. Et puis c'est comme un Tex-Mex. Seul contre tous et tant pis si je suis pas sur ta mixtape mec. J'aime pas les décons à part quand ils sont dans les décombres. À part quand ils sont dans une tombe. On a séquestré la colombe, on a tous pété les plombs. On a tous envie de tout niquer. Si t'as les yeux bleus et que t'es blond, tu feras pas long feu dans le quartier. On est tous des cas sociaux, on jette un associé. On est tous aussi OP qu'un canoncillé. Y'a des GX qui nous dévalorisent, mais aucun d'eux ne rivalise. Y'a du C4 dans la valise. Au cas où ça part en sucette, le rap on le ressuscite. J'ai perdu la tête à force de vivre pas en voyant cette pute de sucette. Les rimes et les bolos, long bitch en assos, toujours OP même en solo. MC, arrêtez vos sottises, on est venu défoncer le rap, à jeun ou sous 10. Quand on rap, c'est la canicule, appelle-nous cannibale, crapule. Quand la rime on manipule, y'a que pour les meufs qu'on note, notre froc ou notre pull. Ça débite sec mec, donc tu connais notre but. On tape la vodka comme des russes, la lutte est rude. On a tous la rage dans le sang depuis l'utérus. J'lâche des bombes sur le beat depuis les terrasses à la place. J'aime quand on me dit ça pète sa race. T'aimes pas, bah baisse ta race. Moi j'veux du fric comme Bouteflika ou Busta Rhymes. Vu mon niveau de vie, j'peux pas être ravi. Étant donné que chaque jour j'm'éloigne du paradis. J'en place une pour tous mes dollars qui sont tombés pour pas un radis. Ici on survit entre le cash et les crédits. Moi j'veux mon compte au crédit lyonnais. Dans ce putain de pays, t'as de la chance si tu t'appelles Lionel. Les rimes et les bolos, long bitch en assos, toujours OP même en solo. MC, arrêtez vos sottises, on est venu défoncer le rap, à jeun ou sous 10. Criminel au mic, on laisse le rap dans le coma. C'est pour les homies connards, qu'on conne ça.